Salutations à chacun, c'est Maxime qui est avec vous aujourd'hui depuis les studios du ministère Cœur d'encre. Donc c'est moi qui ai le privilège de pouvoir faire la lecture ce matin avec ma voix un peu enrhumée, vous me pardonnerez. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y ont échappé en ce début d'année, donc moi non plus. Mais on va quand même faire la lecture avec cette voix. Et je suis très contente d'être là ce matin, donc pour prendre ce temps tranquille dans la parole de Dieu. On commence ce matin avec la lecture de Genèse. Genèse 16, le verset 1, on va lire jusqu'au chapitre 18, le verset 15. Donc, c'est un récit intéressant sur lequel on va se pencher ce matin qui va nous parler de la descendance d'Abraham et de Saraï, en fait. C'est un récit qui se situe entre deux autres récits, qui sont des récits de promesses et d'alliances. Puis, c'est surtout un récit qui va vraiment souligner l'échec de l'entreprise humaine dans laquelle Abraham et Saraï s'engagent. On va voir que non seulement le fils issu de cette entreprise-là ne sera pas l'héritier, mais c'est simplement une initiative qui va apporter de la discorde entre Saraï et Agar et leur descendance, en fait. Mais surtout, on verra comment l'Éternel se montre bienveillant. Et on va lire ce matin dans la Bible d'études, version Semeur. Donc, commençons avec Genèse 16. Saraï, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Saraï, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar. Il la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Saraï dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras. Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Saraï la traita si durement que celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Sour. Il lui demanda, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, « Voici que tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël, Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera en butte à l'opposition de tous, mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. » Agar se demanda, « Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? » Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta El-Roi. « C'est toi le Dieu qui me voit. » C'est pourquoi on appelle ce puits Ber Lachaï Roi, le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Bered. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna, la face contre terre, et Dieu continua de lui parler en disant « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance, ce pays de Canaan, où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité, et je serai le Dieu de ta descendance. » Puis Dieu ajouta, « De ton côté, tu observeras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance, de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels en sont les termes que vous devrez respecter? Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair, et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans ta maison et aux étrangers qui auront été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Tous sans exception seront circoncis, qu'ils soient nés dans ta maison ou acquis à prix d'argent. Ainsi, le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. C'est là une alliance à perpétuité. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. » Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui concerne ta femme, Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, ma princesse. Désormais, son nom est Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Alors Abraham se prosterna de nouveau, la face contre terre, et il se mit à rire en se disant intérieurement, « Et quoi? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? » Et il dit à Dieu, « Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » Dieu reprit, « Mais non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. » Il a ri. « Et j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai aussi de très nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui, et je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine, à cette époque. » Après avoir achevé de parler avec Abraham, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Ce même jour, Abraham circoncit Ismaël, son fils, ainsi que tous les gens nés dans sa maison et tous les esclaves qu'il avait achetés. Tous les gens de sexe masculin qui appartenaient à la maison d'Abraham furent circoncis comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 99 ans quand il fut circoncis, et Ismaël, son fils, en avait 13. Abraham et son fils Ismaël furent circoncis le même jour, en même temps que tous les hommes de sa maison, nés chez lui, et les étrangers à qui il a pris d'argent. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain trois hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Très bien, fais comme tu as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Pétris vite trois mesures de fleurs de farine et fais-en des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras, à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux trois hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » « Elle est là, dans la tente, » leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même, en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » Saisie de crainte, Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, » dit-elle. « Si, tu as bel et bien ri, » répliqua l'Éternel. Nous enchaînons maintenant avec le psaume 7. Le psaume 7 qui est une complainte de David qu'il chanta au Seigneur au sujet de ce couche, le Benjaminite, avait dit. Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièces sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis un crime, si j'ai causé du tort à mon ami, si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires et veille à mes côtés, toi qui as établi le droit. Que les nations s'assemblent autour de toi, et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier. Il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein le crime et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond, mais dans son piège, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu Très-Haut. Proverbe 2, les versets 3 à 5. Oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Nous voilà donc déjà rendus à notre dernier passage dans la lecture d'aujourd'hui. Donc c'est en Marc 5, les versets 21 à 43. Le titre dans la Bible du semeur ici qui est donné, c'est « Plus fort que la maladie et la mort ». Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir! » « Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus, et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Vas en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire, « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas. « Crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit, « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Alors, courbons-nous ensemble dans la prière devant notre grand Dieu pour conclure ce temps de lecture de la Bible. Seigneur mon Dieu, toi à qui on peut avoir recours en tout temps, toi qui es partout, qui vois tout, qui sais tout, qui nous connais, Seigneur, encore mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Seigneur, tu es un Dieu loyal, tu es juste et droit. Tu es parfait. Tu es notre refuge, Seigneur, notre bouclier, notre secours. Seigneur, tu es parfait. Tu es tout. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Mon Dieu, on veut te demander pardon parce que malgré toute ta grandeur, toute ta puissance, on ne te rend pas, Seigneur, l'honneur qui t'est dû. On a tellement de misère à te faire confiance. Seigneur, on élabore des plans, nos plans des hommes, comme Abraham et Sarah l'ont fait. Seigneur, tu nous fais des promesses, puis nous, on pense qu'on va mieux y arriver selon nos plans à nous. On pense que peut-être tu t'es trompé, puis on essaie d'élaborer toutes sortes de choses et de plans, au lieu de juste attendre. Seigneur, te faire confiance et attendre en silence ta délivrance. Pardonne-nous notre manque de confiance en toi, cette difficulté à se soumettre à toi et à s'attendre à toi. Mais mon Dieu, ta bienveillance envers nous est si grande, et on veut te louer ce matin. On a vu comment tu as été bienveillant avec Abraham et Sarah malgré qu'ils ont ri, qu'ils n'ont pas cru que c'était possible. Seigneur, tu as fait ton alliance, tu as établi ton alliance avec eux. Oui, Seigneur, combien tu es bienveillant, combien tu es fidèle. On voit que nous, on pêche et on fait les choses tout croche, mais toi, tu redresses derrière nous, tu relèves, tu t'occupes de tout. Et surtout, tu nous aimes. Oui, Seigneur, ton amour est si grand. Mon Dieu, je te prie que tu viennes nous donner la foi de cette femme qui s'est seulement approchée de Jésus, sachant que si elle pouvait juste toucher son vêtement, elle serait guérie. Seigneur, donne-nous cette foi, cette confiance en toi, cette confiance de juste s'approcher de toi, sachant que tu t'occupes de tout, que tu vas prendre soin de nous, puis que tu vas nous montrer ta grâce, Seigneur. Que tu vas nous montrer la beauté de ta grâce dans les moments qui sont bons, puis dans les moments qui sont difficiles aussi. Seigneur, aide-nous à te connaître toujours plus, toujours mieux, et qu'on puisse goûter un peu plus chaque jour à la grandeur de qui tu es. Et on remet toutes ces choses entre tes mains, Père éternel, toi qui es si grand, si bon, toi qui as donné Jésus pour nous. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen.